Chapitre 10e, le cri d'alarme. Lorsqu'un imprudent ouvrier est saisi par un engrenage, c'est d'abord un de ses vêtements que la machine mord avec ses dents d'acier. Puis c'est un bras qui disparaît, puis un autre. La roue tourne, tourne toujours, sourde au cri de sa victime, et bientôt le corps tout entier du malheureux ne présente plus qu'un amas informe de chair et d'eau broyée. Il en est ainsi du cœur de l'homme quand il s'abandonne aux passions mauvaises. Le jeune duc de Vallombreuse, dans son fol amour pour Célestine Marbot, avait commencé par compromettre sa fortune, et plus il s'ingéniait à satisfaire les caprices de cette misérable créature, plus elle devenait âpre à la curée et l'entraînait à la ruine. Les choses avaient marché grand train depuis l'acquisition de l'hôtel de la rue de Courcelles. L'hôtel acheté, on dut le meubler à neuf car le mobilier de l'appartement de la rue Murillo n'était plus en harmonie avec la décoration luxueuse de cette nouvelle résidence. Les 50 000 francs restés à Octave sur le prix de la vente de ses domaines du Berry avaient été engloutis dans cet ameublement. Un hôtel à Paris oblige à avoir voiture. Célestine eut un coupé et une calèche avec 3 chevaux dans les écuries, le tout accompagné d'un cocher et d'un palefrenier. Puis, il fallut un Suisse pour ouvrir la porte de l'hôtel de l'actrice, un valet de pied pour annoncer les visiteurs, un valet de chambre pour servir à table et un habile cuisinier pour confectionner les fins dîners. Tout cela était indispensable et le jeune duc s'exécuta ou, pour mieux dire, se laissa exécuter. Il vendit une terre et 2 fermes à cet effet. Salabert se trouvait toujours là pour présenter des acquéreurs et payer comptant avec l'argent remis par Flavia. Enfin, on pendit la crémaillère. Tout le Paris galant fut invité à la fête, qui coûta encore une ferme au pauvre Octave. Cette fête fut son dernier beau jour. Célestine Marbot y étala la toilette la plus ébouriffante et son entrée fut saluée par d'unanimes acclamations. L'actrice, qui n'était point spirituelle, eut ce soir-là des mots piquants que Martineau lui avait soufflés, et le jeune duc de Vallombreuse savoura, avec d'ineffables délices, le plaisir d'entendre sa maîtresse proclamer l'une des reines du chic. Pendant que Flavia se promenait sur les bords du Fier, les dernières terres d'Octave furent vendues et son riche patrimoine complètement dévoré. « Tondu comme un œuf, » dit un jour Célestine à Martineau, « c'est moi maintenant qui lui fournis son argent de poche. »« Eh bien, continue !» répondit flegmatiquement ce dernier, pour qu'il ne me rembourse jamais, plus souvent. Je te répète, mon chéri, qu'il est archi fondu, il ne trouverait pas 100 louis sur la place. Je sais un prêteur qui, sur des lettres de change, lui avancerait bien 200 000 francs. Ton Gobseck est un crétin, fit l'actrice en éclatant de rire. Erreur, ma petite. Le nom de ton duc est un capital, sa mère sacrifiera jusqu'à son dernier écu, pour éviter une souillure faite à ses vieux parchemins, et l'insolvabilité d'Octave en serait une à ses yeux. « Décidément, Toto, tu es très fort, » répliqua Célestine. « Parbleu !» fit Martineau en se rengorgeant. Puis il ajouta, « Je t'enverrai demain des feuilles de papier timbrées, et tu les lui feras remplir. À l'ordre de qui ?»« À l'ordre de Sir John Colfax. »« Tiens, mais c'est le nom de l'individu qui lui a acheté sa terre du Berry. »« Lui-même, ma mignonne. » Et tu auras, pas vrai, ton petit pot de vin dans l'affaire. Sir John Colfax n'est point un usurier. Il lui prêtera au taux de la banque. De plus en plus fort, répliqua l'actrice. Envoie-moi les chiffons de papier tout préparés, et je les ferai signer à mon duc. C'est entendu. À demain. Lorsque Martineau fut parti, Célestine Marbot sonna sa femme de chambre. Asie, lui dit-elle, je n'y suis aujourd'hui que pour Octave. Quand il viendra, « tu le feras entrer dans mon petit salon bouton d'or. »« Oui, madame, » répondit la camériste en sortant. « À présent, » dit l'actrice, « préparons-nous à le recevoir. » Et elle passa dans son boudoir. Si maître Maxou, en montant à la station de Rumilly dans un coupé de chemin de fer, avait jeté les yeux sur les compartiments de première classe, il n'aurait pas été médiocrement surpris d'apercevoir dans l'un des deux Maurice de La Vernaye qu'il croyait au château des Abîmes. Le jeune magistrat, en reconnaissant l'ancienne condamnée de Nevers dans la prétendue fille de Sir John Colfax, avait compris sur le champ le sens caché des avertissements du vicomte de Kerlusset. Le danger qui menaçait la duchesse de Vallombreuse, jusqu'alors inconnu pour lui, il le connaissait à présent. Ce danger s'appelait Flavia Morin. Flavia était revenue en France pour prendre sa revanche. Il fallait donc, sans plus de retard, instruire la duchesse du retour de l'ex-institutrice, et c'est pourquoi il était parti. Il faisait nuit encore lorsque le train arriva à Paris. Maurice prit une voiture qui le conduisait chez lui, en attendant l'heure où il pourrait se présenter à l'hôtel de Vallombreuse. Il se rendit à midi, rue de Varennes, et remit sa carte à un valet de pied, en lui recommandant de dire à la duchesse qu'il désirait lui parler d'une affaire de la plus haute importance. Il fut aussitôt introduit. « Je vous croyais dans la Haute-Savoie, près de votre tante, mon cher Maurice, » lui dit Madame de Vallombreuse. « J'en arrive, et c'est un motif bien grave qui m'a fait la quitter aussi brusquement. »« Quel est ce motif si grave ?»« Je suis revenu à Paris, parce que j'ai peur. »« Peur et de quoi ?» fit la duchesse avec des yeux étonnés. « Vous partagerez mes terreurs, madame, quand vous saurez qui j'ai rencontré sur le sommet du Semnoz. » « Qui donc avez-vous rencontré sur le sommet de cette montagne ?»« L'ancienne institutrice de vos filles, mademoiselle Flavia Morin. »« Oui, mais sous un autre nom. Elle s'appelle aujourd'hui Miss Colfax. Elle a été adoptée, paraît-il, par un vieil Américain plusieurs fois millionnaire. » La duchesse, quoique vivement émue, domina son émotion. « Je m'en réjouis fort pour elle, » répondit-elle froidement. « Ce n'est pas tout. » poursuivit le jeune magistrat. J'ai rencontré auprès d'elle maître Maxou, son ancien défenseur, devant la cour d'assises de la Nièvre, et le docteur Cabarrox, qui, après avoir joué un certain rôle dans l'expertise, est devenu votre médecin. Flavia est riche aujourd'hui. Ces messieurs se sont rapprochés d'elle, et je ne vois rien de bien extraordinaire dans tout ceci, dit Madame de Vallombreuse, toujours impassible en apparence. Supposez un instant, Madame la Duchesse, poursuivit Maurice de Lavernay, que cette jeune fille qui à présent possède le double rayonnement de la beauté et de la richesse ait été, sur de fausses appréciations, injustement condamnée. J'admets un instant cette supposition. Après, eh bien, si Flavia a été victime d'une erreur judiciaire, elle doit avoir à cœur de se venger de tous ceux qui ont contribué à la faire condamner. Qu'avez-vous à craindre, vous, magistrat? Vous que la loi protège de si haut? Répondit Madame de Vallombreuse. Vous avez rempli votre devoir comme ministère public, et mademoiselle Morin, fût-elle innocente, ne peut rien contre vous. Si je suis couvert comme magistrat, madame la duchesse, comme homme, je ne suis point à l'abri d'un acte de vengeance. Mais il ne s'agit point ici de moi. De qui s'agit-il donc? De vous, madame. Car si cette jeune fille était innocente et que... La duchesse à ces mots pâlit. Ainsi, c'est pour moi que vous avez peur, interrompit-elle. Oui, répondit Maurice. Mais sur quels indices basez-vous vos craintes? Ah, les indices ne manquent pas. Et d'abord, savez-vous ce qu'est devenue cette jeune négresse que vous aviez charitablement recueillie chez vous? Scabieuse, qui a disparu d'une façon si étrange. Eh bien, je l'ai trouvée également installée chez Flavia. Peut-être n'est-ce que l'effet du hasard. Cet homme qui s'est rendu acquéreur de la terre du Berry, que votre fils a vendue il y a quelques mois à votre insu, savez-vous comment il se nomme? C'est Sir John Colfax, le père adoptif de Flavia Morin. La duchesse, au nom de John Colfax, se sentit peu à peu envahie par une vague épouvante. En effet, dit-elle après un silence, toutes ces coïncidences me semblent graves, et je ne serais pas étonné que Flavia, pour se venger sur moi de sa condamnation, se soit fait la complice des spoliations dont mon fils est victime. Et moi j'en suis certain, répondit Maurice de Lavernay. Mais pour le moment, il ne s'agit point d'Octave, il s'agit de vous, madame la duchesse, et de vos chères filles. Mais si cette Flavia Morin est réellement l'inspiratrice de la ruine du jeune duc, elle doit être satisfaite, répliqua madame de Vallombreuse. Que pourrait-elle vouloir encore? Que sais-je? Mais tous ces gens qui semblent faire cause commune avec elle, cet avocat, ce docteur, cette négresse, malgré moi, j'arrive à penser que le désastre de votre fils n'est que le prélude de malheurs plus grands encore. Mais quel malheur pourrait donc nous menacer, mes filles et moi? J'ai beau chercher, je ne vois rien, je ne soupçonne rien. Absolument comme moi, madame, et c'est précisément ce qui m'épouvante, car ce ne sont pas les dangers prévus qui sont le plus à craindre, mais ceux qu'on ne prévoit pas. Je ne suis pas peureuse, reprit la duchesse, mais involontairement je finis par partager vos terreurs. Oui, cette Flavia doit avoir quelque sinistre projet. Que faire, mon Dieu? Que résoudre? Emmener mes enfants, fuir à l'étranger? Mais elle nous y suivrait. Ah, continua-t-elle, Je ferai bon marché de mon repos, de ma vie. Mais il s'agit de mes filles, de Marcel et d'Ève. D'Ève, qui sera bientôt votre femme, Maurice. Conseillez-moi, conseillez-moi. » En ce moment, la porte du salon s'ouvrit. Madame de Valombreuse mit vivement un doigt sur sa bouche, comme pour commander le silence à Maurice de Lavernay. C'était elle et Marcel qui venaient d'entrer.